Chapitre 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem vers les villages de Bethphagé et de Béthanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus envoya en avant deux de ses disciples. Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, dites-lui, le Seigneur en a besoin, et il va le renvoyer tout de suite ici. Ils partirent donc et trouvèrent un âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur demandèrent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et ces gens les laissèrent aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans les champs. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire à Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David notre Père ! Gloire à Dieu dans les cieux !» Jésus entra dans Jérusalem et alla dans le temple. Quand il eut tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla regarder s'il y trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Que personne ne mange plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent ensuite à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les chaises des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Puis il les enseigna en ces mots. Les Écritures déclarent « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, vous en avez fait un repaire de voleurs. » Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprirent cela, et ils cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. En effet, ils avaient peur de lui, parce que toute la foule était fortement impressionnée par son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Tôt le lendemain matin, comme ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé et dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Moi, je vous le déclare. Si vous avez foi en Dieu, vous pouvez dire à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrivera, cela arrivera pour vous. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. » Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Pendant que Jésus marchait dans le temple, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens vinrent auprès de lui. Ils lui demandent, « De quel droit fais-tu ces choses? Qui t'a donné le droit de les faire ?» Jésus leur répond, « Je vais vous poser une seule question. Si vous me donnez une réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptisé? Dieu ou les hommes? Répondez-moi. » Mais ils se mettent à discuter entre eux et se disent, « Si nous répondons, c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera, pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean? Mais si nous disons, ce sont les hommes qui l'ont envoyé, » Ils avaient peur des gens, car tous pensaient que Jean avait été un vrai prophète. Alors ils répondent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit, « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. »